cette musique dédiée à tous ceux qui se sont tués, pour qui la vie a vite été voilée. Tous ces petits vivent en un point de côté. Tout cela commence très jeune et se termine à l'adolescence. Quand j'en parle, j'en ai le seul, n'ont même pas fini leur croissance. Tu crois que ce n'est pas dur de vivre sans une famille? Toi qui te plains quand on te traite d'imbécile. Cette vie est un hommage pour te montrer que je suis pas con. C'est un honneur des filles, ce jeu dont tu parles con. On vient tard mal leur vie et ça seul Dieu le sait. Elles n'auront pas grandi mais les cieux les auront bien acceptées. C'est toujours la panique quand on allume la télé. C'est presque toujours suicide contre un moment de fierté. Ça ne va pas en cours et ça ne va pas à la maison. C'est ça, y a plus d'amour et nous en perdons la raison. Que veux-tu de plus, c'est parce que la vie est nulle. Je me tue en bus ou je me meurs dans ma bulle. Je viens te parler, y'a trop de personnes qui sont dans ce cas. Arrêtez de râler, faites quelque chose pour que ça s'arrête là. Marc, qu'il y ait des meurtres et qu'il y ait des suicides. Que l'on tue pour un flirt car notre copain est pathétique. Que veux-tu de cette vie à part qu'il y a rien à offrir? Franchement c'est bon, certains jeunes se sont donné la joie de mourir. Arrêtez les morts, ce serait bien mieux comme ça. Celui qui rappe sur cette musique s'appelle Chino. Il y a trop de personnes qui sont parties trop tôt, oubliant leur famille, oubliant leurs frérots, en oubliant leur ville et oubliant leurs potos. Je ne sais quoi dire à part parler au micro. On aura ces filles qui sont parties trop tôt. Le rap est là, toujours présent dans mes veines. Je viens des jazz qui me font de la peine. Certaines personnes te laissent des mots avant de passer à l'acte. Et c'est là que ça blesse, les mots resteront à jamais intacts. Au lieu de voir ta fille, tu ne verras plus que ses lettres. Tu pleuras et goûteras ce qu'elle a connu comme un être. Imagine la chérir et la voir en face de toi. Mais vas-y ne t'inquiète pas, le bon Dieu s'occupe de ça. Moi je crois sans foi ce qui se passe après cette vie. Après la dernière fois on se retrouve tous au paradis. C'est bon ne pleure pas, tu la reverras après ta mort. Ne te mords pas les ongles, tu sais très bien que tu as tort. Te rendre dans ces états n'a jamais arrangé les choses. Je te parle au cas pour cas car la vie est tout sauf rose. Si tu savais je râle car cette vie c'est trop la merde. Désolé de parler mal mais c'est parti, fais une trêve. Laisse tomber ton travail, après Dieu fais une grève. Après Dieu fais une grève. Celui qui rappe sur cette musique s'appelle Tino. Il y a trop de personnes qui sont parties trop tôt, oubliant leur famille, oubliant leurs frérots, en oubliant leur ville et oubliant leurs potos. Je ne sais quoi dire avant de parler au micro. On aura ces filles qui sont parties trop tôt. Le rap est là, toujours présent dans mes veines. Je viens des jazz qui me font de la peine. Voilà pour terminer, j'espère que tu as bien compris. Au lieu de penser qu'à pleurer, commence par savourer ta vie. Ne te prends pas la tête, je t'assure que ça ne vaut pas la peine. T'assure, ne sois pas bête, c'est sûr, ne t'ouvre pas les veines. La vie elle est si belle, si tu regardais un peu ailleurs. Oublie un peu ta fille, tu ferais mieux, jeter tes pleurs. Je suis sûr que c'est dur et ça c'est sûr, je le connais. Ralentis ton allure pour que seul le diable connaisse. La mort d'un suicide, il n'y a pas de pire à porter. Je n'ai plus rien à dire mais mon soutien à ta portée. J'espère que cette musique dans ton cœur t'a fait réfléchir. J'espère que les lyriques de rappeurs vont arrêter de souffrir. J'espère que le thème aujourd'hui fera oublier tes larmes. J'espère que je t'aime pour toi fera oublier les drames. Voilà c'était Chino sur l'avenir dans les mots. Et oui sachez une chose, il y a tellement après la mort. Il y a tellement après la mort. Celui qui rappe sur cette musique s'appelle Chino. Il y a trop de personnes qui sont parties trop tôt, oubliant leur famille, oubliant leurs frérots, en oubliant leur ville et oubliant leurs potos. Je ne sais quoi dire avant de parler au micro. On aura ces filles qui sont parties trop tôt. Le rap est là, toujours présent dans mes veines. Je viens des jazz qui me font de la peine.